Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Début, en fait, c'était la deuxième journée du US Open et donc actuellement Tiger Woods, ce que je vois, tente évidemment d'éviter la coupure. On en parle avec notre collaborateur de golf, Serge Cloutier. Salut Serge! Bonjour Danny, comment vas-tu? Ça va bien, il fait tellement beau que c'est pas mal le fun. Serge, Tiger Woods actuellement, évidemment c'est l'attraction de la PGA et très mauvaise première journée. Ben, je vais te dire qu'il y a eu une mauvaise première journée, puis aujourd'hui, il a un petit peu mieux joué, mais il fera pas la coupure. Bon, OK. Parce que il est à plus 10. OK. Deux journées de complété. Et le meneur, c'est Dustin Johnson, qui a moins 4. Il n'y en a plus d'autres. Il n'y a aucun autre golfeur à date qui est en bas de la normale. Oh. On sait qu'à chaque fois qu'on joue le US Open, c'est un terrain extrêmement difficile. Et les pointages, là, ça prend pratiquement des miracles. Alors là, on a vu que Dustin Johnson, il y a une coche au-dessus de tout le monde présentement. C'est le meneur de la PGA, numéro un. Et là, il va rester deux rondes. Puis au moment où on se parle, il y avait 4 coups d'avance sur les deuxièmes. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont à égalité. Mais ce terrain-là est tellement difficile. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais l'approche des verts, l'approche qui est des trappes de sable, puis les verts sont tous surélevés, mais tellement difficile de réussir des coups roulés. Ah, on a vu Tiger Woods hier faire 4 potes. Ouais. Tu sais, il est deux dessus, puis il fait 4 potes, il termine avec un double. Alors, c'est pas... Les gars, je viens de voir là, tout à l'heure Mike Hoffman, qui connaît une très bonne journée, puis Mike Hoffman a un pot d'un pied et demi. Il a passé à côté complètement. Alors, c'est ça qui crée la difficulté. Puis l'herbe longue, évidemment, si tu sors des allées, ça a pris 10 minutes pratiquement hier, à peu près avec 40 personnes, pour trouver la balle de Dustin Johnson dans l'herbe longue. Alors, vous voyez là, comment c'est difficile. C'est pas intéressant. C'est beaucoup moins intéressant. Quand on voit des beaux coups de golf, puis on voit des gars qui potent bien, excusez l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit ça. Ben là, c'est intéressant. Mais là, ce terrain-là, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est moins intéressant à suivre parce que ce sont des gars qui sont les meilleurs au monde, puis ont de la difficulté à performer. Alors, c'est pas mal moins drôle. OK. Qu'est-ce qu'il faut surveiller en fin de semaine? Ah, ben, c'est Dustin Johnson, ouais, évidemment, parce que les autres meilleurs, là, je sais pas, McIlroy, Jason Day, Jordan Spieth, Tiger Woods, Phil Mickelson, ils seront pas là. Okay. Ils peuvent peut-être faire la cote, comme on dit, là, la coupure ce soir, mais ils vont être à plus 7, plus 8, puis le meneur est à moins 4. Ça veut dire à 11-12 coups du meneur, c'est impossible de le rattraper. Il y a peut-être des gars de 4 et moins, là, 4 au-dessus de la normale, comme Justin Thomas, qui est le deuxième au monde présentement, qui est à plus 4. Plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Si par hasard Dustin Johnson connaît des mauvais trous, ils peuvent se rapprocher. Mais de la façon dont ça se dirige, ben le genre de Wayne Gretzky, il va demeurer le meilleur au monde, puis il va remporter le US Open. Bon. Serge, on s'en reparle le lundi de ça? Oui. Écoute, la prédiction est là. Il peut arriver toutes sortes de choses en fin de semaine. Le vent, la température, la position des drapeaux. Mais Dustin Johnson est très, très bien placé pour remporter le US Open. Bravo, puis on s'en reparle lundi. Excellent. Le collaborateur Serge Cloutier.